Lettre du général Lafayette à Madame de Lafayette, ce 1er octobre 1777. Je vous écris, mon cher cœur, le 12 septembre. C'est que ce 12 est le lendemain du 11, et pour ce 11-là, j'ai une petite histoire à vous raconter. À la voir du beau côté, je pourrais vous dire que des réflexions sages m'ont engagé à rester quelques semaines dans mon lit à l'abri des dangers. Mais il faut vous avouer que j'y étais invité par une légère blessure que j'ai attrapée je ne sais comment, car je ne m'exposais pas en vérité. C'était la première affaire où je me trouvais. Ainsi, voyez comme elles sont rares. C'est la dernière de la campagne, du moins la dernière grande bataille suivant toute apparence, et s'il y avait quelque autre chose, vous voyez bien que je n'y serais pas. En conséquence, mon cher cœur, vous pouvez être bien tranquille. J'ai du plaisir à vous rassurer. En vous disant de ne pas craindre pour moi, je me dis à moi-même que vous m'aimez, et cette petite conversation avec mon cœur lui plaît fort, car il vous aime plus tendrement qu'il n'a jamais fait. Je n'eus rien de plus pressé que de vous écrire le lendemain de cette affaire. Je vous disais bien que ce n'est rien, et j'avais raison. Tout ce que je crains, c'est que vous ne l'ayez pas reçu. Comme en même temps le général Howe donne au roi son maître des détails un peu bouffis de ses exploits d'Amérique, il m'a mandé blessé. Il pourrait bien me mander tuer aussi, cela ne coûte rien. Mais j'espère que mes amis et vous surtout n'ajouterez jamais foi au rapport de gens qui avaient bien osé faire imprimer l'année passée que le général Washington et tous les officiers généraux de son armée étant ensemble sur un bateau, la barque avait chaviré et tout le monde était noyé. Mais parlons donc de cette blessure. Elle passe dans les chairs, ne touche ni os ni nerfs. Les chirurgiens sont étonnés de la promptitude avec laquelle elle guérit. Ils tombent en extase toutes les fois qu'ils me pensent et prétendent que c'est la plus belle chose du monde. Moi, je trouve que c'est une chose fort sale, fort ennuyeuse et assez douloureuse. Cela dépend des goûts, mais dans le fond, si un homme se faisait blesser pour se divertir, il viendrait regarder comme je le suis pour l'être de même. Voilà, mon cher cœur, l'histoire de ce que j'appelle pompeusement ma blessure pour me donner des airs et me rendre intéressant. À présent, comme femme d'un officier général américain, il faut que je vous fasse votre leçon. On vous dira « Ils ont été battus ». Vous répondrez « C'est vrai, mais entre deux armées égales en nombre et en plaine, de vieux soldats ont toujours de l'avantage sur des neufs. D'ailleurs, ils ont eu le plaisir de tuer beaucoup, mais beaucoup plus de monde aux ennemis qu'ils n'en ont perdu. » Après cela, on ajoutera « C'est fort bon, mais Philadelphie est prise, la capitale de l'Amérique, le boulevard de la liberté. » Vous repartirez poliment « Vous êtes des imbéciles. Philadelphie est une ville triste, ouverte de tous côtés, dont le port était déjà fermé, que la résidence du Congrès a rendue fameuse je ne sais pourquoi. Voilà ce que c'est que cette fameuse ville, laquelle, par parenthèse, nous leur font bien rendre tôt ou tard. » S'ils continuent à vous pousser de questions, vous les enverrez promener en termes que vous dira le vicomte de Noailles, parce que je ne veux pas perdre le temps de vous écrire à vous parler politique. J'ai conservé votre lettre pour la dernière, dans l'espérance que je recevrai de vos nouvelles, que je pourrai y répondre, et que je vous en donnerai le plus tard possible de ma santé. Mais on me dit que si je n'envoie pas sur le champ, à 25 lieues où est le congrès, mon capitaine sera parti et a Dieu l'occasion de vous écrire. C'est cela qui occasionne un griffonnage plus barbouillé encore qu'à l'ordinaire. Au reste, si je vous écrivais autrement qu'un chat, c'est alors qu'il faudrait demander pardon pour la nouveauté du fait. Pensez, mon cher cœur, que je n'ai encore reçu de vos nouvelles qu'une fois par le comte Pulaski. J'ai un guignon affreux et j'en suis cruellement malheureux. Jugez quelle horreur d'être loin de tout ce que j'aime, dans une incertitude si désespérante. Il n'y a pas moyen de la supporter, et encore, je le sens, je ne mérite pas d'être plaint. Pourquoi ai-je été enragé à venir ici? J'en suis bien puni. Je suis trop sensible, mon cœur, pour faire de ces tours de force. Vous me plaindriez, j'espère, si vous saviez tout ce que je souffre, surtout dans ce moment où les nouvelles de vous sont si intéressantes. Je n'y pense pas sans frémir. On m'a dit qu'un paquet de France était arrivé. J'ai dépêché des express sur tous les chemins et dans tous les coins. J'ai envoyé au Congrès un officier. Je l'attends tous les jours, vous sentez avec quelle impatience. Mon chirurgien l'attend aussi avec ardeur, parce que cette inquiétude me fait bouillir le sang qu'il veut tranquilliser. Mon Dieu! Mon cher cœur, si j'apprends de bonnes nouvelles de vous, de tout ce que j'aime, si ces charmantes lettres arrivent aujourd'hui, que je puisse être heureux. mais aussi avec quel trouble je vais les ouvrir. Soyez tranquille sur le soin de ma blessure. Tous les docteurs de l'Amérique sont en l'air pour moi. J'ai un ami qui leur a parlé de façon à ce que je sois bien soigné. C'est le général Washington. Cet homme respectable, dont j'admirais les talents, les vertus, que je vénère à mesure que je le connais davantage, a bien voulu être mon ami intime. Son tendre intérêt pour moi a eu bientôt gagné mon cœur. Je suis établi chez lui, nous vivons comme deux frères bien unis, dans une intimité et une confiance réciproques. Cette amitié me rend le plus heureux possible dans ce pays-ci. Quand il m'a envoyé son premier chirurgien, il lui a dit de me soigner comme si j'étais son fils, parce qu'il m'aimait de même. Ayant appris que je voulais rejoindre l'armée de trop bonne heure, il m'a écrit une lettre pleine de tendresse pour m'engager à me bien guérir. Je vous fais tous ces détails, mon cher cœur, pour que vous soyez tranquille sur les soins qu'on prend de moi. Parmi les officiers français, qui tous m'ont témoigné beaucoup d'intérêt, j'ai M. de Gima, mon aide de camp, qui depuis et avant la bataille a toujours été comme mon ombre et m'a donné toutes les marques possibles d'attachement. Ainsi, mon cœur, soyez bien rassuré sur cet article pour à présent et pour l'avenir. Tous les étrangers qui sont à l'armée, car je ne parle seulement pas de ceux qui n'ont pas d'emploi et qui rendront à leur retour en France des comptes de l'Amérique très peu justes, parce que l'homme piqué et l'homme qui se venge ne sont pas de bonne foi, tous les autres étrangers, dis-je, employés ici, sont mécontents, se plaignent, sont détestants et détestés. Ils ne comprennent pas comment je suis aimé seul d'étrangers en Amérique. Moi, je ne comprends pas comment ils y sont si haïs. Pour ma part, au milieu des disputes et des dissensions ordinaires dans toutes les armées, surtout quand il y a des officiers d'autres nations, moi qui suis un bon homme, je suis assez heureux pour être aimé par tout le monde, étranger ou américain. Je les aime tous, j'espère mériter leur estime, et nous sommes fort contents mutuellement les uns des autres. Je suis à présent dans la solitude de Bethléem, dont la Bérénale parle tant. Cet établissement est vraiment touchant et intéressant. Ils mènent une vie douce et tranquille. Nous causerons de tout cela à mon retour, et je compte bien ennuyer les gens que j'aime, vous toute la première par conséquent, de la relation de mes voyages, car vous savez que je suis un bavard. Soyez-le, je vous en prie, mon cher cœur, dans tout ce que vous direz pour moi à Henriette. Ma pauvre petite Henriette, embrassez-la mille fois, parlez-lui de moi. Mais ne lui dites pas tout le mal que je mérite. Ma punition sera de ne pas être reconnue par elle en arrivant. Voilà la pénitence que m'imposera Henriette. A-t-elle une sœur ou un frère? Le choix m'est égal, pourvu que j'aie une seconde fois le plaisir d'être père et que je la prenne bientôt. Si j'ai un fils, je lui dirai de bien connaître son cœur, et s'il a un cœur tendre, s'il a une femme qu'il aime comme je vous aime, alors je l'avertirai de ne pas se livrer à un enthousiasme qui l'éloigne de l'objet de son sentiment, parce qu'ensuite ce sentiment vient vous donner d'affreuses inquiétudes. J'écris par une autre occasion à différentes personnes, mais je vous écris aussi à vous. Je pense que celle-ci arrivera plus tôt. Si par hasard ce vaisseau arrive et que l'autre se perde, j'ai donné au vicomte la liste des lettres que j'écrivais par lui. J'ai oublié mes tantes. Donnez-leur de mes nouvelles, dès que vous recevrez celle-ci. Je n'ai guère fait de duplicata que pour vous, parce que je vous écris dans toutes les occasions. Faites aussi savoir de mes nouvelles à M. Marjolais, l'abbé Fayon et Desplaces. Mille tendresses à mes sœurs. Je leur permets de me mépriser comme un infâme déserteur, mais il faut qu'elles m'aiment en même temps. Mes respects à Madame la Comtesse Auguste et à Madame de Fronsac. Si la lettre de mon grand-père ne lui parvient pas, présentez-lui aussi mes tendres hommages. Adieu, adieu, mon cher cœur. Aimez-moi toujours, je vous aime si tendrement. Faites mes compliments au docteur Franklin et à M. Dean. Je voulais leur écrire, mais le temps me manque. Ainsi s'achève la lettre du 1er octobre 1777 du général Lafayette à Madame de Lafayette.